Stephen King aime les sorcières, Stephen King préfère les vampires, Stephen King a écrit Salem et Michael Salomon l'a adapté. Et bienvenue au vidéo club de Castle Rock. Je suis avec Chris comme d'habitude. Salut Chris. Salut Sam. Et aujourd'hui, nous allons parler de Salem, roman de King publié en 1975 en anglais, 1977 en français, et son adaptation télévisuelle par Michael Salomon, diffusée en deux parties les 20 et 21 juin 2004 sur TNT pour une durée totale de 181 minutes. Nous vous rappelons que, comme pour chaque épisode de ce podcast dédié aux adaptations de Stephen King, nous allons spoiler le livre comme les adaptations. Donc si vous ne voulez pas qu'on vous dévoile trop d'éléments, arrêtez-vous là et revenez nous écouter ensuite. Divulgachon. Est-ce qu'on peut commencer tout de suite ? Écoute, on peut commencer tout de suite ! Alors c'est parti pour le roman. Donc Salem nous raconte l'histoire de Ben Mears, un écrivain un peu en mal d'inspiration dont la femme est morte quelque temps auparavant, qui revient dans la ville de Salem, de Jérusalem's Lot, où il vivait quand il était enfant, et il pense retrouver là-bas l'inspiration, notamment en écrivant sur la maison Marston, qui est une espèce de maison au sommet d'une colline qui surplombe la ville et qui a la réputation d'être hantée. Là-bas, il commence à se lier à plusieurs autres habitants de la ville, notamment à Suzanne, une jeune femme dont il tombe amoureux. Des personnages qu'il a connus dans sa jeunesse comme des personnages qu'il va rencontrer pour la première fois. Et à un professeur avec qui il va devenir ami. Pendant que de nouveaux résidents ont acheté la maison Marston, justement, et commencent à susciter des inquiétudes, et on découvre assez rapidement que ce sont des vampires qui, effectivement, vont prendre petit à petit possession de la ville. Et ce sont donc Ben, Suzanne et quelques autres qui vont se retrouver à être les seuls encore en pouvoir de lutter contre cette puissance néfaste. Quand Stephen King commence à écrire Salem, Karine n'est même pas encore acceptée par l'éditeur Doubleday, donc c'est avant 1973. Autant dire que c'est encore le bordel dans son cerveau. C'est encore le bordel dans son cerveau, c'est encore, il vit encore dans une relative misère. C'est encore la merde. Voilà. C'est son deuxième roman, hein, nous pouvons le préciser tout de suite, ce sera son deuxième roman publié. On a eu de la chance au tirage au sort quand même. Hein. Ouais. Vraiment. C'est le hasard est bien tombé. L'idée de base de King, c'était de mélanger un récit vampirique à la Dracula, un récit réaliste qui décrive la vie de citoyens d'une petite ville, et l'horreur des BD Pulps qu'il lisait quand il était petit, donc une horreur beaucoup plus frontale, beaucoup plus sanglante. Qui se ressent bien en plus à la lecture. Et c'est suite à une discussion avec sa femme qu'il a l'idée de faire venir un vampire actuellement, mais dans un petit patelin de la Nouvelle-Angleterre. À l'époque, donc dans les années 70, il se disait que dans un tel microcosme, une ville isolée, le vampire pourrait vraiment triompher, pourrait vraiment prendre le pouvoir. Et ce milieu vraiment rural lui collera à la peau. Oui. King aime beaucoup les ambiances très campagne, très... voilà. C'est là-dedans qu'il a grandi, donc c'est quelque chose qui reviendra énormément dans son œuvre, c'est quelque chose qu'il connaît et qu'il apprécie, dit-il malgré lui. C'est vrai qu'il y a peu de ces récits qui se passent dans des grandes villes, ou alors que ça se passe dans des grandes villes, c'est dans des lieux isolés de la grande ville. Là, on est en Nouvelle-Angleterre, ouais. On n'est pas dans le Maine, au contraire de beaucoup des romans de King, mais effectivement, c'est à peu près le même délire, niveau isolement. C'est vraiment une petite ville provinciale, quoi. Qui n'existe pas, d'ailleurs, on précise tout de suite. Le livre, globalement, va mixer pas mal d'influences et d'idées que King avait en tête depuis un bon moment. Il y a des rêves d'enfance, c'est-à-dire toute la scène où un des personnages retrouve Stroker pendu et se vidant de son sang, ça c'est un rêve que King faisait quand il était gamin. Et il y avait eu des rumeurs sur des villes, justement, des États-Unis qu'on aurait retrouvées totalement vidées du jour au lendemain sans explication. Donc ça aussi, c'est un ressort dans Salem. Il envisageait aussi un récit très sombre au départ pour l'opposer à Dracula, parce que Dracula c'est finalement l'histoire de la science et de la culture anglaise civilisée qui triomphe du mythe vampirique venu d'un pays lointain et venu du fond des âges. Donc il y a une certaine confiance dans la science dans Dracula qui n'est pas du tout présente dans Salem, parce que l'époque n'est pas la même. On commençait à voir le revers de la médaille de la science, on était en pleine peur de la guerre froide, donc en pleine peur du péril atomique. Et les dangers de la science sont devenus visibles, donc King pensait que le livre serait très pessimiste et que tous les personnages finiraient tués par le vampire. Quand il commence à écrire, c'était l'objectif qu'il avait en tête. Mais finalement, c'est allé dans une autre direction, il s'est porté par ses personnages, par l'héroïsme que développent certains personnages, Et même si c'est quand même un beau jeu de massacre, c'est pas si pessimiste que ça à la fin. Vrai. Alors comme tu le disais, je trouve qu'on sent nettement les influences de les trois influences qu'avait King dans le produit final. Effectivement, le côté pulp, il y a énormément de scènes très graphiques. Et encore, il en a supprimé des plus glauques, notamment le médecin. À la base, il devait se faire dévorer par des rats. D'accord. Mais l'éditeur, toujours Bill Thompson, on y revient, a jugé que c'était vraiment trop sanglant et donc a demandé à King de changer cette scène. D'accord. C'est vrai que l'ensemble du roman est pas tellement gore. Non, il y a quelques scènes, quelques accès de gore comme ça. Mm. La principale différence, c'est que les vampires, c'est pas des vampires à la Dracula qui mordent de façon érotique et charmante. C'est du bon gros, de la bonne grosse morsure crâne. Après, remarque, on dit ça, mais c'est vrai que King est pas vraiment un écrivain du gore. Ça serait plus de la croyance populaire, ça. Ouais. Pour moi, c'est pas un écrivain du gore. C'est vraiment du fantastique, de la peur, mais c'est pas du gore. Un écrivain du gore serait plutôt Clive Barker, par exemple. Il y a quelques accès gore chez King, mais c'est vrai qu'ils sont pas si nombreux que ça. Voilà. C'est plus un écrivain d'ambiance. Ouais. D'ambiance lourde et pesante, et un peu glauque, que vraiment de l'imagerie gore, quoi. C'est un thème qui développe pas mal, justement, dans Anatomie de l'horreur, son livre, son essai sur l'horreur en littérature et au cinéma. Il dit lui-même qu'il essaie d'éviter les effets gore, mais qu'il se laisse aller de temps en temps, parfois ça défoule quand même. Bah, des fois ça défoule, et puis des fois ça apporte vraiment quelque chose à une scène. Oui, voilà. Clairement, mais il dit qu'il évite de se reposer entièrement dessus, parce qu'il trouve que c'est l'horreur la moins efficace, finalement. Bah, c'est celle qui laisse moins de place à l'imagination, au final. Oui. C'est pareil pour le cinéma, en règle générale, mais bon, bref. Donc pour le côté gore, effectivement, le côté pulp, il y a ça. L'influence de Dracula est marquante parce qu'il y a plein d'étapes un peu obligatoires du récit de vampire, que notamment le père Callahan, le prêtre de la ville, qui ne peut plus rentrer dans son église après qu'il ait été contaminé par le vampire, ça on le retrouve dans Dracula, avec Mina. Le fait justement de devoir tuer une personne aimée, ça se retrouve aussi dans Dracula, la formation du groupe est aussi assez similaire. Et le livre aussi, comme tu me l'avais fait remarquer en off, est assez lent et insiste énormément sur la vie quotidienne de la ville. Oui, donc il y a beaucoup ce côté quotidien. Avec des chapitres entièrement consacrés à la vie de différents protagonistes de la ville. Ouais. Pendant la première moitié, en fait, il y a assez peu d'éléments fantastiques. Bah, ça arrive à la fin de la première moitié, en fait. C'est ça. On sent que ça commence à poindre, on sent que ça s'installe, mais ça ne surgit vraiment que très tard. King prend vraiment son temps pour poser toutes les pièces du puzzle, tout mettre en place. Il prend même peut-être un peu trop son temps. Bah, il accélère un peu trop sur la fin, disons. Voilà. Oui, c'est ça. Je pense pas que ce soit le début qui est trop lent, c'est la fin qui est trop rapide. C'est trop rushé, en fait. Bah, c'est une structure qu'on retrouve dans pas mal des livres de ville de King, encore une fois, notamment dans Bazar. Moi, je trouve que Salem, dans sa structure, fait beaucoup penser à Bazar. Une préférence pour Bazar, mais la structure des deux œuvres sont assez similaires. Et c'est pareil dans des récits plus récents comme Dôme, il y a aussi énormément de passages de vie. Oui, malgré le fait que le dôme s'installe tout de suite dans Dôme. On voit vraiment des passages où c'est que le quotidien, entre guillemets, des personnages, quoi. Oui. Quelque chose qui s'est ajouté un peu à l'insu de King, c'est que selon lui, le livre est devenu une métaphore de la politique de son époque, avec les vampires comme une sorte d'image d'un capitalisme et d'un entrepreneuriat qui dévore en fait les petites villes. Spoiler alert, c'est toujours valable aujourd'hui. C'est toujours valable aujourd'hui. Après, les petites villes, vraiment, ça existe beaucoup moins qu'à l'époque, donc c'est peut-être un peu moins actuel. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Comme Carrie, Salem a été publié par l'éditeur Doubleday, qui avait une option de base sur le deuxième roman qu'écrira King. King avait soumis deux manuscrits en fait à William Thompson à l'époque. Il y avait celui de Salem et celui de Chantier. Et Thompson a jugé que Chantier était peut-être meilleur d'un point de vue littéraire, mais que Salem avait de plus grandes chances de marcher. Ce qui est probablement vrai. Oui, effectivement. Chantier qui, pour l'anecdote, est aussi en projet d'adaptation par Andrés Muschietti, donc celui qui a fait les Ça, qui sont sortis cette année et il y a 2 ans. Et je pense qu'il y a plus de chances qu'il réussisse à faire un bon Chantier qu'un bon Ça. À mon avis, oui. La seule réserve de William Thompson, c'était que si on sortait Salem juste après Carrie, King allait être étiqueté comme écrivain du fantastique, mais à l'époque, King n'en avait pas grand-chose à faire. Tant qu'il arrivait à se faire sa place en tant qu'écrivain, ça lui convenait, et puis il trouvait pas ça insultant d'être catégorisé en fantastique. Le titre original du livre, c'était Second Coming, qui voulait dire deuxième arrivée, deuxième débarquement. Tabitha King a fait remarquer que ça pouvait aussi se comprendre sous le sens deuxième orgasme, donc il fallait peut-être changer le titre. Au début, King voulait l'appeler Jérusalem Lot, donc le nom de la ville, mais l'éditeur trouvait que ça faisait trop religieux, et c'est de nouveau Tabitha King, qui décidément a beaucoup de bonnes idées, qui a suggéré Salem's Lot pour faire référence aux sorcières de Salem, donc voilà. À autre chose de fantastique. Et ça s'explique aussi du fait que la ville s'appelle Jerusalem Lot, mais le panneau d'affichage de rentrer dans la ville, la première partie du mot est masquée parce que le panneau est crade, et donc du coup ouais. Ça se lit Salem's Lot. Ouais. Jéru est effacé en fait. Donc, très bonne idée de Tabitha King, et on y reviendra régulièrement quand même à son influence sur les livres de Stephen King. Heureusement qu'il l'avait. Ouais. Je pense que elle a beaucoup d'influence sur lui, et c'est tant mieux pour nous. Ouais, même dans les livres plus récents, c'est régulièrement dans les post-fast, il parle de l'influence qu'elle a eue. Ouais. Et pour le coup, elle a écrit aussi des romans, j'en ai jamais lu. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Moi non plus. Les retours sont un peu divisés, mais je serais curieux d'en lire. Au moins pour se faire une idée. Ouais. Histoire de voir si elle aussi a une bonne fibre artistique. Après tout, son fils en a. Bah, c'est deux fils même, oui, Owen et Joey. Le premier tirage par Double D s'est fait à 20 000 exemplaires, donc un peu plus que pour Carrie qui était à 14 000, je crois. Oui, bah après, forcément, Carrie ayant remporté un petit succès, autant imprimer plus du second rang. Ouais. Et c'est devenu un livre particulièrement recherché par les collectionneurs parce que y a eu trois en fait versions différentes de ce premier tirage. La jaquette était différente parce qu'il y avait des erreurs sur les deux premières versions. Donc la toute première version, celle avec le plus d'erreurs en fait, est un objet de collection qui, je crois, est le livre le plus précieux de King actuellement. D'accord. Je crois que ça peut aller jusqu'à 60 000 euros. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. C'est-à-dire, il va falloir qu'on crée un Patreon et gonfler le Patreon pour. Oui, pour si quelqu'un veut nous offrir. Les droits de l'édition de poche sont cette fois-ci acquis pour 550 000 dollars, donc 150 000 de plus que sur Carrie, parce que je pense que le film Carrie était déjà sorti, on voyait déjà que c'était un auteur qui allait devenir populaire, enfin la machine s'était mise en route. J'ai pas trouvé vraiment d'infos sur les chiffres de vente de l'époque, y a pas grand-chose. Toujours dur de trouver des chiffres. Ni sur la réception critique de l'époque, mais très clairement ça a bien marché, et très clairement c'est un livre qui est plutôt apprécié des fans de King. Il y en a même pas mal qui le citent comme leur favori. Moi, je serais plus tempéré que ça, quand même. On en reviendra quand on parlera du classement, mais oui, on est tous les deux plutôt mitigés sur cet avis-là. Il a été nommé pour le World Fantasy Award du meilleur roman en 1976 et est élu meilleur livre pour jeunes adultes par l'American Library Association en 1978. Dans une interview à Playboy en 83, King évoquait la possibilité de donner une suite à Salem, ce qu'il n'a finalement pas fait parce que... La Tour Sombre, en fait, sert plus ou moins de suite à Salem avec le retour d'un personnage très important dans un gros rôle dans La Tour Sombre. Mais ça reste de toute façon un roman auquel il tient beaucoup, qu'il trouve très bon, même s'il lui reconnaît des faiblesses liées à son inexpérience. Et pour finir, deux nouvelles complètes Salem, donc Un dernier pour la route, qui se passe après, et Celui qui garde le verre, qui se passe avant, et toutes les deux sont publiées soit dans l'édition illustrée de Salem, sortie chez France Loisirs, soit dans le recueil Danse Macabre. Nous allons pouvoir passer à nos avis sur Salem. Donc, Chris, que penses-tu de ce roman ? J'en pense que c'est un très bon roman. J'en pense qu'on retrouve ce qui manquait à Carrie, donc c'est-à-dire un vrai travail sur la caractérisation des personnages. On trouve beaucoup plus de personnages secondaires qui ont, surtout, leur propre storyline, chose qui était quasiment absente dans Carrie. Parce que Carrie et les personnages sont là pour faire avancer l'histoire de Carrie, et pas pour faire avancer leur propre histoire. Et mine de rien, c'est quand même l'une des grosses marques de l'écriture de King, la caractérisation des personnages. Oui. Et c'est clairement avec ce roman-là que ça apparaît, et tout est là déjà. Au niveau de la caractérisation, tout est là déjà. Énormément des personnages qui apparaissent dans Salem, des archétypes de personnages deviendront des réguliers de King. C'est-à-dire des personnages religieux qui doutent sur leur religion, des personnages un peu cassés par la vie. Dans Salem, je crois pas qu'il y ait encore de personnages cassés physiquement. Parce que King a beaucoup d'affection pour les personnages qui ont un handicap. Et dans Salem, il n'y en a pas, je crois. Ce sera surtout présent après son accident. Oui, c'est vrai. T'en trouves assez peu dans la première moitié de sa carrière. L'année du loup-garou, c'était après son accident ? Parce qu'il y a un gamin handicapé dans la Non, il y a des exceptions. Voilà. Il y a l'année du loup-garou, il y a le personnage de Dead Zone qui est blessé aussi. Mais ça deviendra vraiment... quasiment omniprésent dans son œuvre après 99. Après, c'est des fois... C'était quoi le terme que j'avais utilisé ? Blessures, des cassures ? Oui, qui sont pas forcément graves, qui sont pas forcément compliquées à vivre. Par exemple, le personnage, l'un des gamins de ça qui a un zozotement, oui. C'est une cassure. Clairement, King l'utilise comme cassure, parce que c'est un sujet de moquerie d'autres gamins. Oui. Mais ouais, c'est l'un des archétypes de ces personnages qu'il n'y a pas dans Salem. Mm-hmm. Mais la majorité de ces autres archétypes, ils sont déjà. L'alcoolisme est présent à travers le père Callahan. Qui du coup est aussi le personnage qui doute sur sa religion. Ouais. Les personnages que je trouve super emblématiques aussi, c'est les deux espèces, enfin le couple qui vit dans une caravane où la femme cogne sur le bébé, où le mari cogne sur la femme, enfin les espèces de redneck profonds qui vivent vraiment dans leur coin, ça aussi c'est très récurrent dans son œuvre. Et évidemment, un écrivain en personnage principal. En manque d'inspiration. Bon, là ça va, le manque d'inspiration lui joue pas trop de tours, il y a 2-3 personnages de King qui ont eu plus de problèmes avec ça. C'est ça. C'est aussi un livre qui est clairement beaucoup plus ambitieux que ne l'était Carrie, qui se concentrait sur une histoire très bien menée mais relativement simple, tandis que là, il y a énormément d'intrigues qui se mêlent. Et il est beaucoup plus long d'ailleurs, je pense que tous les livres qu'il avait publiés jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il est facilement 2 fois plus long que même Chantier qui était le plus long de ses romans à l'époque. On a dit au début que je t'avais fait remarquer que le livre prend son temps pour faire rentrer le fantastique, mais ça n'en fait pas pour autant un livre ennuyeux. Ah oui, il est très intéressant. Et très bien rythmé, et il est très agréable à lire. Ouais. Vraiment. Et il est aussi assez subtil dans ses personnages, parce que finalement, à part Strucker et Barlow, donc les deux vraiment méchants, super méchants, les autres personnages sont souvent dans une zone de flou. Alors il y en a des vraiment dégueulasses, il y a genre l'espèce de bossu de la décharge, handicapé physique, il y a le bossu de la décharge, mais qui lui est un pervers pédophile dans le roman, bon ça va quand même bien loin, mais la plupart des personnages sont plus dans une zone grise. Sauf le promoteur immobilier aussi, qui est quand même légèrement salaud sur les bords. On voit qu'il est pas sain. Ouais, après il est salaud en mode capitaliste à fond libéral, il est pas. Il fait pas entrer volontairement le vampirisme. C'est-à-dire, il n'a pas conscience qu'il va détruire la ville. Oui, c'est vrai. De ce côté-là, oui. Mais comme tu disais, il y a plein de choses qui fonctionnent super bien dans Salem. Et les choses que l'on retient, moi, c'est surtout les scènes qui, justement, ne sont pas fantastiques. Mmh. C'est le récit de la mort de son ancienne femme par Ben, que je trouve super fort. Les discussions entre le prof et Ben, qui sont souvent très bien écrites. Les scènes horrifiques sont souvent efficaces, mais je retiens presque plus les moments sensibles de Salem. La rencontre de Stryker et du promoteur immobilier. Oui. Très bien amené aussi. Et tu sens que le personnage est un salaud, quoi. Oui. C'est bien amené. Et pourtant, il n'y a rien d'horrifique. C'est juste la sournoiserie du personnage pendant la vente et les négociations. Je pense que mon personnage préféré dans Salem, alors, est-ce que c'est lié au fait que j'ai lu La Tour Sombre avant ? Peut-être. Mais c'est Callahan. Je trouve son parcours assez touchant, en fait. De ce prêtre qui perd la foi et qui devient alcoolique et qui va voir, en fait, dans le vampire un moyen de mettre sa foi à l'épreuve et donc de potentiellement la renforcer. Mmh. Je trouve son parcours assez intéressant dans le livre. Oui, tout à fait, oui. Après, si je devais faire un reproche à Salem, c'est que peut-être que tout ça manque un peu de liant. Oui. C'est-à-dire, on a tous des parcours individuels, on a cet aspect fantastique, mais tout ne se rejoint pas vraiment. C'est peut-être parce que justement la conclusion est un peu décevante, l'acte final est un peu rapide. La mort du vampire, soyons honnêtes, de Barlow, elle est quand même vraiment expédiée. Ouais. Mais c'est vrai que ça manque de lien entre les personnages. Ouais. Et des personnages qu'on n'a même quasiment pas. Après, ça, il leur fera d'avoir des personnages qui se rencontrent jamais, mais d'ensemble, il arrive mieux à les relier à un tableau d'ensemble par la suite. On sent que l'intrigue, finalement, elle est plus ambitieuse, mais un peu moins bien gérée que dans Carrie. On sent par contre qu'il est beaucoup plus à l'aise avec son sujet, les petites villes, qu'il ne l'était avec les vestiaires des filles dans Carrie. Oui. Clairement. Donc, un bon roman, voire un très bon roman, mais qui a ses défauts. C'est ça. T'as quelque chose à ajouter ? Là, ça non. Très bien, donc nous verrons le classement plus tard. Nous allons maintenant passer à l'adaptation de Salem, l'adaptation télévisuelle. I used to think nothing happened here. The truth is, everything happens here. A dark secret. When do we meet your partner? In his own good time. Awakened by a mysterious stranger. I saw a plastic bag in the back seat. Was it little boy size? It was head size. This June. I know your name! What about the house? It scares me even to this day. An old friend is coming home. Life is such a precious gift. I don't know how to stop it. Based on Stephen King's best-selling novel. Let me in, Daddy. What's happening to this town? Rob Lowe, Andre Brower, Rutger Hauer, and Donald Sutherland. Salem's Lot. Don't miss two nights of suspense beginning Sunday, June 20th at 8. I happen to like it here. Only on TNT. Alors, il s'agit de la deuxième adaptation télé de Salem après un téléfilm de Tobe Hooper de 1979, qui était lui aussi en deux parties, et il y a aussi eu un drama radio pour la BBC en 95, en six parties je crois. Et il y a donc une nouvelle adaptation en projet qui serait scénarisée par Gary Doberman, déjà au scénario des Ça de Muschietti, et produite par James Wan. C'est un assez gros budget pour de la télé, puisqu'apparemment c'est entre 20 et 25 millions de dollars. C'est pas monumental pour un truc de 3 heures, mais ça reste pas mal pour de la télé. C'est quand même de la télé, donc ouais, c'est quand même... Et, autant le dire tout de suite, j'ai trouvé assez peu d'informations sur les conditions de production, donc on va se contenter de passer sur les principaux membres de l'équipe et les principaux membres du casting. Ouais. Le réalisateur Michael Salomon, c'est un réalisateur danois né en 1945, qui commence comme directeur de la photographie. Il est visiblement assez renommé dans son pays, et il part pour Hollywood à la fin des années 80, toujours comme directeur de la photo. Et là, il a quand même quelques galons, puisqu'il a travaillé sur Abyss de Cameron, qui lui vaut une nomination à l'Oscar de la meilleure photographie. Il a travaillé pour Spielberg, sur Always, pour Ron Howard, sur Horizon Lointain et Backdraft. Donc ça va. Oui, c'est un bon carnet d'adresses. Clairement. Et il se lance dans la réalisation au début des années 90. Il fait deux longs métrages, dont Pluie d'Enfer, avec Morgan Freeman et Christian Slater, qui est un souvenir plutôt sympa. Oui, qui est un petit film d'action sympathique. C'est pas extraordinaire, mais ça se regarde. Mais après, passé le tout début des années 90, il fera juste des réalisations pour la télé, avec des téléfilms, des épisodes de séries, dont certaines séries prestigieuses du style Alias ou Rome. Mais globalement, on peut pas dire que ce soit des réalisations où il peut particulièrement marquer sa personnalité. Oui. Et on le retrouvera de nouveau, puisqu'il a réalisé deux épisodes de Rêve et Cauchemar, et qu'il est prévu à l'adaptation de Grand Chauffeur, et si vous entendez du bruit, c'est quelqu'un qui utilise un escabeau dans mon couloir. Ah là, cet immeuble. Bon, globalement, je pense qu'on peut dire tout de suite qu'il est probablement meilleur directeur photo que réalisateur. Au scénario, on a Peter Filardi, un scénariste qui n'a pas une grosse carrière. Il a travaillé aussi sur Rêve et Cauchemar, sur un épisode de MacGyver. Je trouve ce que je peux. Hein. Et sur le film The Craft, l'expérience interdite. Moi, je le connais juste parce qu'il a été massacré par deux heures de perdu. Donc, on salue les massives. Alors, je l'ai vu, The Craft, quand j'étais plus jeune. Et c'est de la merde, voilà. D'accord. Donc, bah, on en profite pour recommander 2 heures de perdu. On peut en profiter pour recommander 2 heures de perdu. Un podcast. Ils ont intérêt à nous renvoyer à l'ascenseur ces matins. Mais je pense qu'ils le feront pas. Le casting, lui, est constitué d'acteurs qui ont plutôt une solide carrière, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Parce qu'on a Rob Lowe dans le rôle de l'écrivain Ben Mears, qui a commencé sa carrière sur The Outsider de Coppola. Qui a joué dans pas mal de films de Mike Myers, même si c'est souvent des caméos. Et sa prestation la plus célèbre, c'est probablement le rôle du président dans À la Maison Blanche, la série d'Aaron Sorkin, que je n'ai pas vu mais qui a apparemment une bonne réputation. Très bien. Et il avait déjà joué dans une adaptation de King, puisqu'il joue Nick Andros, donc le sourd-muet, dans la mini-série Le Fléau, ça, de 94. Et ça, c'est fort de fruits. Oh la vache. Je me mange des autres podcasts qu'on enregistre ensemble et où c'est toi qui te lâches. Ouais, mieux vaut entendre ça que d'être sourd, c'est ça ? C'est ça. Donc, à l'époque de la sortie de Salem, il était un peu dans le creux de la vague, mais apparemment ça a continué depuis, sa carrière a un peu repris de l'ampleur. Dans le rôle de Suzanne Norton, donc le love interest du héros, on a Samantha Matisse, qui a lui aussi une assez longue carrière au cinéma et à la télévision. Après, moi je l'ai surtout vu dans Broken Arrow, dans un rôle secondaire, et je me souviens surtout d'elle dans le rôle de la princesse Daisy dans Super Mario Bros. Voilà, ce n'est pas vraiment gage de qualité, mais ça... Ouais, je crois pas que ce soit son meilleur rôle. On la retrouvera, nous aussi, puisqu'elle a joué dans un épisode de Rêve et Cauchemar, et si jamais on traite Under the Dome, elle est dedans aussi. Ouais. Récemment, elle a joué surtout dans The Strain, à mon avis, c'est peut-être son meilleur truc récent. Hein. C'est très très bien, The Strain. Mmh. Donc une série de Guillermo del Toro, qu'on apprécie aussi tous les deux. Qu'on apprécie beaucoup tous les deux. Dans le rôle du père Callahan, on retrouve James Cromwell, qui a une belle carrière derrière lui, puisqu'il a joué pas mal dans Six Feet Under. Ouais. Je l'ai pas vu, mais qui est réputé comme... C'est une très très bonne série, pour le coup. Ah, tu l'as vu ? Ouais, pour une fois que c'est dans ce sens-là. Oui. Il a joué aussi dans Babe, c'est lui qui joue le rôle du fermier propriétaire de Babe. Et rien que pour ça, j'aime profondément cet homme. Et dans La Ligne Verte, il joue le directeur de la prison. Donc on le retrouvera. Oui, c'est vrai. On le retrouvera. Voilà, je dis ça à chaque fois. Hein. Je vais dire ça de quasiment tous les acteurs de Salem. Dans le rôle du professeur Matt Burke, on retrouve André Broger, qui avait gagné une certaine notoriété grâce au rôle de Frank Pemberton de la série Homicide, que je n'ai pas vu mais qui a duré pas mal de saisons. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'il est surtout connu pour son rôle dans Brooklyn Nine-Nine. Et il joue le psy de House dans la saison 6. Moi, c'est pour ça que je le reconnaissais surtout. Exact. J'avais oublié qu'il était dans House, tiens. Ouais, il apparaît dans 4-5 épisodes, hein, pas plus, ouais, mais exact, c'est pour ça que je l'ai reconnu. J'avais oublié. Une de mes séries préférées de tous les temps, ever. Et devine quoi ? Quoi ? On le retrouvera dans une adaptation de King, puisqu'il joue le rôle du voisin dans The Mist. Ah mais oui ! Voilà. Le Mist de... De Frank Darabont. De Frank Darabont, mais oui, exact. Qui du coup a aussi réalisé La Ligne Verte, dans lequel apparaissait l'acteur qui joue le père Callahan. Enfin, Darabont, c'est même... il a trois fois adapté King. Oui. Parce qu'il y a les évadés aussi. Ouais, et trois fois avec succès, même si j'aime un peu moins The Mist. Voilà. Après, les deux plus grands noms du casting, c'est très clairement Roger Hauer, qui vient de décéder, hélas, et Donald Sutherland. Un grand acteur. Alors lui, je l'admire ne serait-ce que pour Ne te retourne pas, dans lequel il joue le rôle du père qui vient de perdre sa fille, et c'est un film magnifique. Et il joue les deux méchants, donc Roger Hauer joue Barlow, et Sutherland joue Stroker, donc l'antiquaire. Alors, on va être net, Roger Hauer, il était un peu dans le creux de la vague, et il a l'air d'en avoir... Rien à foutre d'être là. Sutherland, lui, il a un côté bonhomme, en fait, qui fait que sa performance n'est pas déplaisante, même si c'est clairement pas son plus grand rôle. Il donne un côté sympathique et du coup inquiétant à son personnage. Alors que par contre, physiquement, il ne ressemble pas du tout au personnage décrit dans Salem. Parce que normalement, Strucker, c'est un mec un petit peu squelettique. Ouais. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce à quoi ressemble Donald Sutherland. Oui, lui, il fait plus papy gentil. Quand t'as la possibilité d'avoir un acteur comme Donald Sutherland, tu dis pas non. Oui, c'est voilà. Ça. Puis c'est clairement un des meilleurs éléments du film. Ah, ouais. Donc bon. Et d'ailleurs, Sutherland avait joué dans Backdraft, dont le directeur de la photo était Michael Salomon. Et au sujet de Roger Hauer, Rob Lowe raconte une anecdote que je trouve plutôt marrante dans son autobiographie. Un jour, j'ai joué dans une grosse mini-série dont le climax était un monologue de deux pages du méchant, qui voulait me pousser à le tuer. L'acteur qui jouait le méchant voulait improviser sa propre version de ce monologue de fin. Alors qu'il jouait un vampire, il s'est lancé dans un soliloque sur les cow-boys. Le directeur n'était pas très impressionné. Après des négociations tendues, l'acteur a dû jeter son œuvre à la poubelle et s'en tenir au texte. Mais il y avait un problème, il ne l'avait pas appris. Il a donc fallu mettre des panneaux un peu partout dans le texte pour que Hauer puisse le lire pendant qu'on le filmait. C'est vous dire l'implication de l'acteur sur le tournage de Salem. Moi j'aimerais bien avoir son speech sur les cow-boys quand même. C'est dommage qu'il soit pas en bonus sur les DVD. Peut-être que c'est le film. Peut-être que c'est ce qui donnera le film Cow-boy envahisseur des années plus tard, tu ne sais pas. Peut-être. Ce film avec Harrison Ford et Daniel Craig, ça. Ouais. Que je n'ai pas vu. La musique est de Christopher Gordon, qui est devenu commissaire depuis. Avec la participation de Patrick Cassidy et Elisa Gérard qui chantent sur 2-3 pistes. Cette BO a eu une nomination pour l'Emmy Award de la meilleure composition pour une mini-série et j'ai un peu de mal à comprendre parce que, sans être mauvaise, elle est vraiment plate. Ouais, mais après, si toutes les autres mini-séries avaient des compos de merde... Ça m'étonnerait que sur toute une année, il n'y ait pas eu 5 trucs qui aient eu une meilleure BO que ça. C'est donc, ouais, vraiment tout est plat dans cette BO, y compris les pistes sur lesquelles il y a Lisa Gérard, et pourtant rendre un truc plat avec Lisa Gérard, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Ça fait le taf, mais rien de plus, et on sent qu'il y a un manque d'argent au niveau de la musique. Ouais, ça fait le taf, et encore, ouais, elle est vraiment oubliable, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment. Totalement. Après, il a fait des BO sympas à côté de ça, hein, donc ça veut pas tout dire sur sa carrière. Lui en particulier, ouais. C'est vraiment la BO de Salem Lot qui est. Voilà. Réception critique. Pas trop mauvaise apparemment à l'époque, même si pas non plus formidable. Je trouve pas non plus 100 000 critiques, on va être honnête, vu que c'est un téléfilm, c'est hein, beaucoup plus dur de trouver des critiques que sur un film ciné. C'est un téléfilm, puis il a dû être diffusé genre peut-être 5 fois en tout et pour tout à la télévision mondiale. Ouais. Après, il a quand même été nommé pour un Saturn Award du meilleur téléfilm, mini-série ou programme spécial en 2005. Ah. Et il y a eu une nomination pour Samantha Matisse en tant que meilleure actrice dans un second rôle. Après, encore une fois, est-ce que les Saturn Awards, c'est un truc vraiment prestigieux ou pas ? C'est pas ce qu'il y a de plus prestigieux, très clairement. Est-ce qu'il y avait de la grosse concurrence à cette époque-là ? Il a 3 étoiles sur Allociné, mais il n'y a pas non plus énormément de critiques. Et 48% sur Rotten Tomatoes. Alors d'habitude, je donne le pourcentage de fraîcheur sur Rotten. Là, c'est vraiment la moyenne des notes des critiques, parce qu'il n'y a pas de pourcentage de fraîcheur indiqué. D'accord. Et je n'ai rien trouvé sur David King sur ce film. Je vais donc partir du principe qu'il n'en a rien à foutre. Voilà. Je suis Ben Mears, monsieur Straker. Tout le monde ici parle de vous. Richard. Vous avez acheté la maison qui m'intéressait, vous et votre associé. Vous, vous êtes bien là-haut? Pas encore. Il y a du travail à faire. Je vous souhaite de trouver le petit. Ça m'étonnerait qu'on le trouve. Ou alors mort. Vous avez un alibi? Excusez-moi. La police m'a parlé. Vous et moi, nous sommes nouveaux en ville. En fait, c'est pire que des nouveaux. Pour les gens d'ici, on est des inconnus. Depuis une vingtaine d'années. Oui, en tout cas, moi, je trouve l'endroit très bien. Et votre associé, monsieur Barlow? Vous êtes journaliste. Écrivain. Un tapeur à la machine pour les critiques. C'est amusant. Très amusant. Si vous vous intéressez tellement à la maison, pourquoi ne venez-vous pas prendre un verre un soir? La vérité, c'est que j'ai très peur d'aller là-bas. Alors vous n'aviez pas l'intention de l'habiter, monsieur le tapeur à la machine. Clic, clic, clic, tic, clic. Mais toi, Chris, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, Sam Lott, c'est pas aussi mauvais qu'on aurait pu l'espérer, enfin qu'on aurait pu l'espérer qu'on pouvait s'y attendre. Ça dure 3 heures. Les 3 heures passent relativement bien. T'as pas l'impression de perdre ton temps pendant 3 heures. Ouais. Le film souffre quand même un gros problème de rythme. C'est-à-dire, il y a vraiment des passages où ça va s'énerver d'un coup et des passages où tu vas t'emmerder pendant 30 minutes d'affilée. Surtout que des fois, c'est marrant qu'il y a des passages d'excitation qui sont censés être calmes dans le roman et qui sont ultra violents dans le film. Je pense par exemple au passage où, après l'enterrement d'un des gamins, t'as un personnage qui réouvre le cercueil du gamin parce qu'il entend des voix appeler. Oui. Il l'ouvre de manière normale dans le roman, alors que dans le film, il prend une pioche et il défonce le cercueil. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un passage d'énervement et tout d'un coup, il n'y a plus rien après pendant tout le film. Je trouve que le film a un gros souci de montage. Après, apparemment, c'est mon avis personnel, t'es pas d'accord avec ça? Je trouve pas le montage génial, mais de là à parler de gros soucis, je trouve ça un peu excessif, mais développe. Bah, c'est juste qu'il y a des scènes où vraiment le montage est monté n'importe comment. Il y a des fois, il y a des scènes un petit peu action, où ça va être une réalisation, enfin un montage ultra clip et ça en devient illisible. Notamment la première scène qui se passe à Détroit. Ouais, effectivement, celle-là elle est peu lisible, mais j'ai vu tellement pire, je crois, dernièrement, que je suis devenu blasé du montage des scènes d'action. Voilà, mais du coup, ça n'en fait pas une absence de. Ça n'en fait pas une non-qualité. Non, effectivement. Donc on en a parlé, la BO, on oublie. Ouais. Toi, tu as vu des passages en VO. Moi, malheureusement, j'ai pas réussi à me procurer le film en version originale sous-titrée, donc j'ai dû le subir en français. Donc je ne m'attarderai pas sur le jeu des acteurs, puisque c'est du doublage français. Ouais, le doublage est pas très bon. Le doublage est pas bon, et ça, bah, je vais pas critiquer les acteurs, alors que je n'ai pas vu le travail qu'ils ont fourni. Il y a des moments dans le film où en VO, les personnages sont censés parler français. Oui, parce qu'on nous dit... Et donc, en VF, ils parlent français tout du long, mais on a des sous-titrages en français sur certains passages, parce qu'ils ont pas pensé à enlever ça. C'est totalement débile, ou à faire parler les personnages dans une autre langue. Voilà. Parce qu'on me dit ridicule. Que les habitants de Salem sont originaires de France, d'Angleterre et d'un troisième pays, je ne sais plus lequel. Probablement le Canada. Ouais, probablement. Et voilà. Globalement, c'est quand même un film qui est vraiment 50-50 au niveau qualité et défaut. Ouais. Alors après, en gros défaut qui rejoignent les soucis de rythme que tu citais, moi j'en ai quand même deux à signaler. Le premier, c'est qu'en fait, sur les éditions DVD, ça a été réuni en un seul long film de 3 heures, sauf qu'on sent très nettement la coupure, ouais. En fait, là où était la coupure entre les deux épisodes, puisqu'on a un retour au présent de 30 secondes, peut-être, oui, parce que, qui ne sert à rien. Parce que le film est en fait un flashback explicatif de Ben, qui est sur un lit d'hôpital et donc qui explique l'histoire à un infirmier. Ouais, c'est Ben qui a attaqué le père Callahan dans une grande ville, qui est conduit à l'hôpital ensuite, et donc qui explique pourquoi il en est venu là. Voilà. Et donc au milieu du film de 3 heures, on a un retour au présent qui correspondait à la coupe entre les deux épisodes dans la diffusion originale. Et mon autre souci qui est lié au rythme, c'est qu'au début de chacune des deux parties, on a une voix off explicative qui reprend des phrases quasiment telles quelles reprises au roman, et qui est insupportable. C'est elle explique tout, et surtout elle a un côté très guide touristique en réalité. C'est notamment au début du film, on a l'impression qu'elle te fait visiter la ville, qu'elle va te montrer le monument aux morts. Après, c'est ce que fait le roman aussi. Mais ouais, non, en roman ça c'est passe. C'est mieux amené. c'est un truc qui passe en roman et qui passe moyennement à l'écran, une voix off aussi explicative, qu'on nous montre les choses, puis surtout elle nous dit là des choses dont on n'a rien à faire, on aurait pu gagner du temps pour développer les personnages. Bah, soit des trucs qu'on n'a rien à faire, soit elle te révèle les trucs trop tôt. Oui. Genre, dès le début, on te dit que Stryker, bah, c'est le grand méchant, quoi. Oui, ça, c'est rigolo. Bah d'accord, bon, le suspense... le suspense, on l'emmerde. Mais sinon, ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est 50-50 entre un mélange de... Enfin, entre des passages plats dont on n'a pas grand-chose à dire, des trucs ratés et des trucs plutôt réussis. On dit que la voix off est trop explicative alors que, par beaucoup de moments, ça manque d'explications et de liens entre les personnages et les différentes situations. Bah, en fait, en 3 heures, il n'y a pas assez le temps pour développer correctement les personnages, donc effectivement, il y a des trucs qui sont trop brutaux. Déjà, la relation de Ben et Suzanne, on ne la croit jamais trop. C'est même pas ça le souci, c'est que le film, enfin, l'équipe du film a préféré rajouter des storylines qui ne sont pas présentes dans le roman au détriment de certaines qui le sont. Oui, c'est un des gros choix d'adaptation douteux. Oui. L'histoire du médecin, donc le médecin qui a une relation avec l'une de ses patientes. La femme redneck avec son mari là qui se tape tous mutuellement sur la gueule dans cette famille. Le médecin a une relation avec elle alors que c'est pas présent dans le roman. Et on se rend compte qu'en fait il s'est fait avoir, ils le font chanter pour obtenir 10 000 dollars. On s'en fout. Clairement on s'en fout de tout ça. Je pense que le but c'était d'ajouter un peu de personnalité au médecin qui effectivement est un des personnages qui n'a aucune sous-intrigue dans le roman. C'est vrai. Mais ça fait perdre du temps pour un truc assez banal. Et du coup ça rend Suzanne... Bah, plate. Parce que elle, toute sa storyline, elle saute. Ouais, on voit pas ses parents. Voilà. Bah, déjà, Ben est assez plat, en fait. Oui. Bah, c'est lié au fait que c'est censé être un écrivain, on le voit jamais écrire. Oui, déjà. Et... On connaît pas son passé. Ouais, on mentionne rapidement que sa femme est morte, mais tout le passage où il est censé revenir dessus et sur son traumatisme est supprimé aussi. Par contre, ce qu'on sait, c'est le traumatisme de l'enfance, la découverte de la pendaison et tout, ça y est. Ouais, son traumatisme lié donc à la maison Marston. Voilà, ça y est. Dans les autres gros changements liés au personnage, bon, il y en a certains qui sont supprimés ou combinés entre eux pour alléger le cast, mais ça, évidemment, c'est plutôt une bonne idée, il fallait, vu l'énorme cast du roman. Et il y a quelques sous-intrigues qui sautent. Déjà, par exemple, les rats, qui sont censés être très présents dans la première moitié du livre, ne sont pas là, mais ça, à la limite, ils sont là juste pour l'ambiance dans le livre, donc admettons. Et par contre, le père Callahan est lui aussi beaucoup moins approfondi que dans le roman. On parle presque pas de son alcoolisme, je crois qu'il y a un moment où on le voit avec une bouteille, mais c'est tout. Ni de ses doutes religieux. Et en fait, le souci, c'est que quand il apprend qu'il y a des vampires, en fait, il a une réaction super joyeuse, qui dans le livre se justifie dans la mesure où ça va lui permettre de mettre ses doutes à l'épreuve et donc de renforcer sa foi, mais dans le roman, ça fait vraiment gros psychopathe. Dans le film, ça fait vraiment gros psychopathe. Genre, ouais, on va tous mourir. Il y a un peu de ça. Il y a des vampires. Et j'ai une bonne nouvelle, moi aussi. Peu courante, mais bonne. Une grande bataille. On va bien voir si notre vieille religion est efficace, après tout. Un peu de bon whisky ? Oh, je dis jamais non. Et le destin de Callahan, à la fin, est très différent. Parce que dans le livre, normalement, il arrive plus ou moins à s'échapper après avoir été contaminé par le vampire, ce qui permet qu'on le revoie dans la tour sombre. Tandis que dans le film, il est totalement asservi par les vampires et il se fait tuer par Ben. Il y a les doutes de la mère de Suzanne aussi, qui sont totalement absents dans le film. Bah, vu que la mère est absente, je crois qu'elle apparaît dans une scène, mais... Non, elle apparaît dans plusieurs scènes, c'est le père qui est totalement absent. Ah, justement, ça crée un équilibre dans le roman, parce que le père, lui, est très attaché à Ben, alors que la mère a beaucoup de doutes et limite le déteste. Et du coup, ça crée un équilibre intéressant dans la famille de Suzanne. Mais que du coup, on n'a pas du tout dans le film. Bah, globalement, on a pas mal de soucis de cohérence aussi liés à l'accélération. Pareil dans la relation entre Ben et Matt Burke, donc le prof. Mmh. La première scène où ils se rencontrent, Matt est plus ou moins méprisant envers les livres apparemment un peu fantastiques, romans de gare qu'écrit Ben. Le truc, c'est que dans le roman, leur relation se développe peu à peu, tandis que dans le film, en fait, la scène suivante, ils sont super potes, en mode... Ah, t'as dit de la merde de mes romans, allez, viens boire un coup avec moi. Et encore, même dans le roman... Ah, j'ai un cadavre chez moi, viens voir, viens m'aider, mon pote. Et encore, même dans le roman, il est pas aussi méprisant. Le prof. Non, aussi. On voit que c'était quand même un bon prof, on nous fait comprendre que voilà, il est pas aussi méchant avec les romans. Ouais, il est assez adorable, voilà. Même dans le roman. C'est un personnage qui est très attachant dans le roman. Donc voilà, pour l'adaptation, bah, c'est une nécessité d'accélérer qui a clairement nuit aux relations entre les personnages. C'est vrai qu'adapter Salem en 3 heures, en gardant tous les persos, c'est chaud. Disons qu'il aurait mieux valu une vraie mini-série d'une dizaine d'épisodes, quoi, à la limite. Pour même une heure de plus aurait pu déjà changer beaucoup de choses, hein, je pense. Ouais. Et après, au niveau de la mise en scène, bah, c'est ce qu'on disait, ça défoule. Dans l'ensemble, c'est plat, mais des fois, ça tente des trucs, pour le meilleur ou pour le pire. Il y a des très bonnes idées, des fois. Ouais. Déjà, les plans dans la maison Marsten, je les trouve vraiment beaux, moi, dans l'ensemble. Et la maison est jolie, même au niveau décor, Salem se tient. Il y a peu de décors extérieurs, mais quand on les voit, on croit à cette petite ville. Bah, et puis la maison est jolie, elle est bien éclairée, il y a une utilisation de l'espace et des mouvements de caméra qui est plutôt intéressante, mais c'est le seul moment où, pour le coup, il y a vraiment des mouvements et des plans que je trouve vraiment intéressants à se mettre sous la dent. Bah, typiquement le plan final, avec la caméra qui fait un travelling arrière à la mort de Ben. Ouais. Le plan est chouette, alors on a... on a une reprise chelou de Paint in Black par-dessus, mais bon. Qui n'a absolument rien à foutre là, qui ne colle pas du tout à ce qui se passe dans la scène. Parce que bon, mettre Paint in Black, une musique un peu épicness, dans un passage comme ça, ouais. Je comprends pas. Ça fait un peu le même effet que la chanson des Ramones à la fin de Le Cimetière. Voilà. Et à ce compte-là, autant mettre la musique de la soupe aux choux, quoi. Mais ça, on y est, quoi. Ça aurait été rigolo. La mort de Hauer, donc le grand méchant. Ouais, de Barlow. De Barlow, est plus réussi dans le film que dans le roman. Parce que dans le film, t'as le petit côté sang qui gicle, où on voit aussi les silhouettes de toutes ces incarnations qui s'envolent. C'est plus joli dans le film que dans le roman où c'est abrégé. Oui, effectivement, voilà. Il y a plutôt pareil un bel éclairage dans cette scène-là, tout en rouge. Alors des fois, on sent le filtre dégueulasse posé au dernier moment, mais il y a des plans où ça marche. Les effets spéciaux sont pas terribles. Ouais. Et puis il y en a qui étaient dispensables, surtout. Alors c'est une scène que toi, tu m'as dit que t'aimais plutôt bien, mais quand Ben est en prison et qu'il y a un mec qui se faufile dans les tuyauteries pour le rejoindre, je les trouve dégueulasses. Ah, mais moi, c'est l'ambiance, je trouve, qui marche. L'effet spécial est dégueu, mais niveau ambiance, ça fonctionne. Après, peut-être que ça me rappelle l'épisode d'X-Files sur... T'es le méchant qui se faufile, je sais pas si t'as vu X-Files déjà. Non. Oh mon dieu, il n'a pas vu X-Files. T'as un méchant qui en fait tue les gens et bouffe leur foie et ça lui donne une vie éternelle. Et en fait il peut se faufiler comme ça dans des petits espaces et l'épisode est méga flippant et t'as un passage comme ça où en fait il va dans un conduit et c'est trop bien. On parlait de la photographie dans la maison Marsten, des éclairages. En dehors de ça, la photographie du film est très plate et en fait ça gâche certains passages, notamment la scène où la... Bah, c'est très gris quoi. Ouais, où Eva Miller, donc la tenancière de l'hôtel où réside Ben, où elle se marie avec son amant vampire, elle pourrait être beaucoup plus puissante s'il y avait une belle photographie pour l'entourer, elle aura un côté gothique assez sympa. Mais c'est pas le cas. Ouais. C'est pas le cas, et en plus elle est longue. Bah après, la longueur en soi, ça aurait pu installer une ambiance, hein, s'il y avait eu autre chose. Si d'autres trucs suivaient, mais c'est le cumul, quoi, en fait. Mm. Mais voilà, par moments, ça fonctionne. Par exemple, quand Danny Glick revient voir son ancien camarade à la fenêtre de sa chambre, quand il est vampirisé, et je trouve le look de Danny vraiment réussi. Ça, c'est très très bien. Donc ça, c'est très bien. Précisons que dans le film, du coup, ils sont camarades, alors que normalement, dans le roman, ils se détestent. Parce que c'est une embrouille. Ça, c'est les trois gosses qui se... Enfin, c'est les deux gosses qui se foutent sur la gueule au début du roman, oui. Dans la cour de récré, alors que là, dans le film, ils sont copains. Bon, après ça, admettons que c'est pour simplifier, hein, c'est pas juste, bien gênant. C'est juste pour marquer une des différences. Et les vampires à la décharge à la fin, je trouve que ça fonctionne super bien. La scène est bien. La scène est vraiment bien. Et il y a même quelques idées de plans sympas, notamment il y en a un qui m'a marqué, c'est quand le prof accueille un de ses anciens élèves chez lui, donc l'élève qui va se faire vampiriser. Et alors que le prof Matt est endormi dans sa chambre, il entend des voix provenant d'au-dessus. Et il y a un plan en fait qui va se déplacer de Matt, qui va montrer le décor, qui va se déplacer jusqu'à la porte en nous faisant croire qu'il y a quelque chose qui va surgir. Et en fait, au dernier moment, il y a la main de Matt qui apparaît dans le cadre et qui ferme la porte à clé, alors qu'on l'a pas vu se déplacer. Je trouve ça assez intelligent comme plan. Mais c'est beaucoup trop rare, ce genre d'idée de mise en scène. Un autre plan réussi, c'est l'un des plans de fin de film, avec tous les vampires qui arrivent dans la ville. Oui. La caméra qui s'éloigne de plus en plus de la ville, et tu vois la maison Marston en feu. Ce plan est très très chouette aussi. Ouais. Mais voilà, alors est-ce que c'est par manque de budget? Est-ce que c'est parce que Michael Salomon n'arrive pas à avoir des idées sur le long terme? À mon avis, c'est plus un manque de budget qu'autre chose, je pense. Après, je pense pas que ce soit un réalisateur avec une vraie personnalité non plus, hein, donc ça tient un peu à lui aussi, je pense. Voilà. Mais voilà, il y a trop peu de ce genre de... Ça permet de garder l'intérêt, mais ça permet pas de se passionner pour le film. Après, là, clairement, on a dit que les mauvais côtés, mais il y a aussi des bons côtés, et clairement, par exemple, le travail sur le personnage du policier... Oui. Lui, par contre, c'est très très bien. Oui, c'est clairement le meilleur personnage, je trouve, dans le film. Donc c'est le policier qui voit ce qui se passe, mais qui ne veut pas intervenir parce qu'il veut pas mourir, veut pas se sacrifier. Et puis c'est super, enfin, le personnage est intéressant, le personnage est là, pour le coup, du début jusqu'à la fin du film. Ouais. C'est pas ramené comme ça, c'est vraiment... lui, c'est une bonne trouvaille. Parkins, on a besoin de votre aide. C'est trop tard. Mon adjoint s'est fait porter pâle aujourd'hui comme je pensais qu'il allait le faire. Où allez-vous ? Ça ne vous regarde pas. Parkins, cette ville se meurt. Mais on a encore une chance. Cette ville se meurt parce que quelque chose de terrible est apparu. C'est évidemment Hubie Marsden qui l'a fait apparaître il y a plusieurs années. C'est parce que Barlow est venu ici. Interrogez Larry Crockett. Il sait tout, c'est lui qui s'est occupé de tout pour ce fumier. Barlow est un tueur. C'est un monstre. Il a tué les deux gamins Glick, Mike Ryerson. Marjorie Glick, Dodd Rogers, Charlie Rhodes, Floyd Tibbetts, Carl Foreman, peut-être même Suzanne Norton. Ça n'a rien d'un simple tueur. Non. Je n'ai pas peur de mourir, Monsieur Mears. Pas du tout. Mais ces personnes ne sont pas mortes. Pareil, Sutherland, il fait du bon boulot. Mais les acteurs sont pas mauvais, hein, dans l'ensemble. C'est juste qu'il y en a pas mal qui sont plats. Il y en a assez peu qui ressortent du lot, je trouve. Après, est-ce que c'est parce qu'ils savaient que c'était pas une grosse production de fou ? Oh, ça joue, je pense, ouais. Ils se sont dit, bon... Voilà, Sutherland, c'est un acteur professionnel. Ouais, c'est... Même s'il joue dans un truc qui sait d'avance que ça va être de la merde, il est payé pour jouer, il joue. C'est un travail... Enfin, c'est un acteur qui a... Le respect du boulot qu'il fait, quoi, en fait. C'est ça. Un grand acteur. Donc voilà un film sympa, mais on va pas chanter ses louanges. Un film moyen. Voilà, moyen. C'est, vous pouvez le regarder, on s'est pas ennuyé devant. Voilà. J'ai lu pas mal de critiques qui disaient que c'était très chiant, mais j'irai pas jusque-là. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'est méfié au final. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a été agréablement entre parenthèses, surpris. Oui, c'est ça, qu'on a eu mieux que ce à quoi on s'attendait. Voilà. Par contre, qu'on va falloir revoir Dreamcatcher. On rigolera. Donc c'est fini pour notre avis sur le film, nous allons pouvoir passer au comparatif de scène. Donc la scène que nous avons choisie, c'est la scène où les deux employés du promoteur immobilier, parce que c'est comme ça qu'on peut les décrire dans le roman, vont déposer un espèce de gros coffre, qu'on se doute être le cercueil, hein. On n'est pas con non plus, dans la maison. Dans la maison Marston. Dans la maison Marston, j'ai oublié le titre. Et plus précisément dans la cave, alors que dans le film c'est à l'entrée de la maison, mais ça, à la limite, on s'en fout. On ne prend pas la scène depuis le début, parce que la scène est très longue, puisqu'ils font d'abord, ils déposent d'abord le coffre à la cave, puis ils remontent, puis ils redescendent parce qu'ils ont oublié quelque chose, et nous on va commencer la lecture à partir du moment où ils se rendent compte qu'ils ont oublié quelque chose. Hank, on n'a pas mis les cadenas. Leur regard tomba en même temps sur les cadenas posés en tas sur le tableau de bord et attachés ensemble par un fil de fer. Hank fourra la main dans la poche de sa veste et en sortit un porte-clés d'où pendaient 5 clés Yale toutes neuves. Une pour le cadenas de la porte arrière du magasin et 4 pour la maison. Elles avaient chacune leur étiquette. « Oh, merde !» dit-il. « Écoute, si on revenait tôt demain matin... » Royal détacha la torche du tableau de bord. « Ça va pas aller, » dit-il. « Tu le sais bien. » Ils descendirent de la cabine et le vent de la nuit balaya de son souffle glacé leur front en sueur. « Occupe-toi de la porte de derrière, » dit Royal. « Je fais la porte de devant et la remise. » Ils se séparèrent. Hank alla jusqu'à la porte de derrière. Il lui fallut s'y reprendre à deux fois pour faire rentrer l'anneau du cadenas dans son trou. Placé comme il l'était, contre la porte, l'odeur de décomposition qui émanait de la maison semblait avoir pris une densité presque palpable. Toutes les histoires qu'on racontait à propos d'Hubie Marsden quand il était gosse lui revinrent à l'esprit, ainsi que le refrain qu'ils entonnaient en poursuivant les filles. « Attention, attention, Herbie va t'attraper, si tu ne fais pas, attention !» Hank, il sursauta et le second cadenas lui tomba des mains. Il le ramassa. « Tu choisis bien ton moment, toi, pour m'arriver dessus comme ça. Est-ce que... Ouais, Hank, qui c'est qui va redescendre dans la cave et mettre le trousseau de clés sur la table ?»« Je sais pas, » dit Hank Peters, « je sais pas. » Je crois qu'on ferait aussi bien de tirer au sort. Ouais, je crois que c'est mieux. Royal sortit un quart de dollar. Tu diras pile ou face quand il sera en l'air. Il lança la clé. Face, dit Hank. Royal attrapa la pièce, la plaqua contre son avant-bras et l'exposa. C'était l'aigle qui brillait sinistrement. Mon Dieu, gémit Hank. Mais il prit le trousseau et la torche et ouvrit à nouveau la porte menant à la cave. Il força ses jambes à descendre les marches et, quand il eut passé le petit auvent, il éclaira de sa torche la partie visible des lieux. La cave, en effet, tournait à angle droit 10 mètres plus loin et continuait, Dieu seul, savait comment. La table apparut dans le rayon de la lampe. Elle était recouverte d'une nappe à carreaux, toute poussiéreuse. Un énorme rail trônait, et ce jet de lumière ne sembla nullement le déranger. Il était assis sur son derrière. On aurait dit qu'il ricanait. Hank s'avança le long de la caisse en direction de la table. « Hé, toi ! Oust !» Laura sauta de la table et s'en alla en trottinant vers le fond de la cave. La main d'Ankh tremblait et le rayon de la torche, sautant d'un point à un autre, éclaira tour à tour une barrique enfouie sous la poussière, un bureau décrépit, un tas de vieux journaux et... Ankh ramena brusquement le rayon de la torche sur les journaux et reprit sa respiration. À côté d'eux, il y avait un t-shirt. Est-ce que c'était un t-shirt en boule comme un vieux chiffon et à côté quelque chose qui avait pu être en blue jean et quelque chose qui ressemblait à... Il entendit derrière lui un craquement. La panique le saisit. Il lança les clés sur la table, à la volée, et prit la fuite en chancelant. En passant près de la caisse, il comprit ce qui avait fait ce bruit. Un des rubans d'aluminium s'était rompu, et comme un doigt dressé, pointa en direction du plafond. Il monta les marches en trébuchant, claqua la porte derrière lui, la ferma au cadenas et courut jusqu'à la cabine. Il sentait ses poils se dresser et vit qu'il avait la chair de poule. Sa respiration était courte et sifflante, comme celle d'un chien blessé. Il entendit vaguement Rual lui demander ce qui était arrivé, ce qui se passait en bas. Démarrant en trombe dans un rugissement de moteur et prit son tournant sur deux roues, les pneus ravinant la terre meuble. Il ne ralentit pas avant d'avoir atteint Brooks Road, ne songea qu'à arriver le plus vite possible au bureau de Lawrence Crockett, mais il se mit à trembler, tellement qu'il craignait d'être obligé de faire halte au bord de la route. « Qu'est-ce qu'il y avait en bas ?» demanda Royal. « Qu'est-ce que t'as vu ?»« Rien, » dit Ankh Peters en claquant des dents. « J'ai rien vu, et je veux plus jamais voir ça. » Et maintenant, la même scène dans le téléfilm. Striker ? Viens, je veux qu'on décide ! Tu devrais y retourner, Birdie a besoin d'un petit ami. T'as entendu les pas ? Et moi aussi ! J'ai entendu des craquements, je croyais que c'était toi. Hé hey Mike, ça roule vite ça d'après toi ? Allez, amène-toi ! Je le savais que c'était Striker. Voilà, donc je me permets de commencer sur les quelques différences entre les deux scènes. Effectivement, dans le téléfilm, la caisse avec le cercueil est déposée dans le hall de la maison. Et les vêtements du petit garçon disparu, qui pourraient être ceux du petit garçon disparu, sont dans une voiture et c'est pas, sur un tas de journaux. C'est ça, il n'y a pas d'aller, il n'y a pas de retour dans la maison. Voilà, dans le film. C'est ça, la scène est pas mal abrégée et ça économise aussi un décor. Et du coup, comparatif des deux scènes. Comparatif des deux scènes, bah, comme je l'ai dit, dans l'ensemble, les scènes dans la maison de Marston fonctionnent parce qu'il y a un vrai travail sur le décor dans ces scènes-là et sur l'utilisation de l'espace. Donc quand il dépose le coffre, ça fonctionne. Le souci, c'est que quand ils ressortent et qu'ils voient les vêtements posés dans un sac, sur un siège de voiture, ça fait beaucoup plus banal. C'est dommage. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis les vêtements en fait sur un meuble à l'entrée. Bah, Et puis surtout, il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a pas de musique inquiétante, il n'y a pas de mise en scène inquiétante, il n'y a rien. Ouais. Il n'y a pas de véritable ambiance. Alors que vraiment, la lecture de la scène en roman a vraiment une grosse tension. Surtout quand on a la première partie aussi, parce que la première partie déjà est inquiétante aussi, la descente dans la cave. C'est une des scènes où clairement il aurait fallu plus prendre le temps, où il y avait la nécessité de poser vraiment une ambiance. Parce que c'est un peu une scène pivot, c'est pas mal de trucs par la suite vont découler de cette scène, mais surtout c'est la scène qui montre pour la première fois le pouvoir destructeur des vampires, vraiment. Ouais. Bah, c'est même l'une des premières scènes avec des éléments fantastiques, des éléments un peu effrayants. Ouais, je crois qu'on a déjà eu le chien quand même, éventré. C'est vrai, on a zappé ça, le chien d'ailleurs qui n'est pas découvert par le même personnage, mais ça on s'en fout. Ouais. Alors, il y a un truc qui me fait bien rire dans la scène, dans le téléfilm, qui est le moment qui marche le mieux, et qui n'est pas dans le roman pour le coup, je crois, c'est quand il regarde à une fenêtre de la maison et qu'il y a, Stroker qui leur fait un petit signe méprisant de la main. Et là, c'est Sutherland qui joue bien, qui apparaît 5 secondes, mais en fait il suffit à être drôle sur 5 secondes, c'est genre dégager les bouseux. Ce personnage de con, de connard. Oui, à l'image ça fonctionne très bien ce truc-là, mais effectivement il n'y a pas d'ambiance. Et c'est dommage, parce qu'encore une fois, t'as t'as ce rendre avec toi, bah, tu peux faire des trucs d'ambiance de ouf. Quoi. Bah, en fait, c'est le souci du film, par manque de budget, par manque de travail sur l'image et sur la direction artistique, il a du mal à gérer tout le côté horreur traditionnel de Dracula gothique que King avait réussi à mettre au... dans le roman. Au roman, tous les passages qui comptent beaucoup là-dessus ont tendance à être assez plats. Je pense qu'on en a fini avec la description de scène. Oui, après voilà, donc c'est une adaptation plan-plan, enfin, sur un plan strictement d'efficacité, c'est pas nul, oui. Ça fait le boulot. Alors, après, jusqu'à quel point aussi le fait que ce soit pour la télévision à jouer et à empêcher de mettre des détails trop glauques. Dans cette scène-là, pas beaucoup, parce qu'il n'y avait rien de glauque à rajouter, mais il y a des moments où ça a pu gêner, je pense. Et encore, tu dis ça, mais dans le film, t'as des passages très soft, t'as des passages assez violents dans le film. Oui, c'est assez paradoxal à ce niveau-là. Le médecin tombe sur la scie sauteuse, alors ouais. Que jusque-là, c'était calme, quoi. Tu dis, bah, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Là, tu vas s'emplâtrer sur la scie sauteuse, c'est dégueulasse. Alors que tout le reste est très soft, tu vois, c'est... Oui. Le film est un peu bavard par certains moments, sur plein d'aspects différents. Oui, mais là, on dirait vraiment que c'est une coupure aux deux parties, que la première partie, la première moitié est très soft, et que la deuxième, ils se sont plus lâchés, donc est-ce qu'elles auraient été diffusées à des horaires différents? Non, parce que je crois qu'il aurait permis ça. Bah non, parce qu'elles ont été diffusées un jour d'intervalle. Ouais, mais je sais pas, il y a peut-être un truc qui a fait qu'ils ont pu plus se lâcher sur la deuxième, parce que la première, on dirait vraiment qu'il y a de la censure, en ça fait, serait bizarre, ça serait bizarre que ce soit là, parce que dans une logique... Pour gagner des spectateurs, tu gardes la même heure, tu gardes le même horaire. Oui, je suis d'accord, mais je sais pas. Ça, et puis à mon avis, on ne trouvera jamais l'information. Donc, non. Je pense qu'on en a fini maintenant pour la description de la scène. Oui, tout à fait, et nous allons pouvoir passer au classement. Alors, pour commencer, le classement du roman. Donc je rappelle l'ordre qu'on a pour l'instant: en premier, Cimetière, en deuxième, La Tour Sombre, en troisième, Carrie. Alors, Salem, ça va en dessous Cimetière. Oui. Ouais, d'accord. Ça va au-dessus de Carrie, pour moi. Ouais. Est-ce que ça va au-dessus ou en dessous de La Tour Sombre? Pour moi, en dessous. Même pour moi, je pense que ça irait en dessous, quand même. Parce que pour le coup, les personnages sont beaucoup plus intéressants dans La Tour Sombre que dans Salem. Il y a quand même... Tout ce qui est caractérisation de personnage, ambiance, c'est beaucoup plus développé dans Salem. Et l'univers est beaucoup plus creusé dans La Tour Sombre que dans Salem. Ouais. Donc ouais, pour moi, ça va entre Carrie et La Tour Sombre. D'accord, pas de souci avec ça. Alors, moi, je voulais juste donner brièvement mon avis. J'aurais vraiment hésité. Je comptais sur toi pour choisir parce que, en fait, les qualités de Salem sont les défauts de Carrie et les défauts de Salem sont les qualités de Carrie. C'est ça. Carrie est plus solide sur l'intrigue et plus originale. Salem a des meilleurs personnages et a peut-être une ambiance un peu plus travaillée. C'est ça. Donc mais j'aurais pas su les différencier. Personnellement, ce qui me fait trancher, c'est que dans Salem, à aucun moment je me suis ennuyé à la lecture. Dans Carrie, il y a des passages épistolaires où t'as envie d'accélérer. Et ça m'est pas arrivé dans Salem. C'est ce qui me fait trancher. Ouais. Salem, en fait, moi, mon plus gros reproche au niveau de l'intrigue, c'est la fin un peu rushée. Ouais, voilà, c'est ça. Après, la fin de Carrie est aussi très expéditive, hein. Ouais, mais tout Carrie est très expéditif. Oui, bon, oui, c'est pas faux. La fin de Carrie, je la trouve plus satisfaisante. Au final, ça conclut mieux que la fin de Salem, où le vampire est vraiment battu de manière très, très facile. Ouais, je suis d'accord. Après, ça reste un bon roman, encore une fois, donc d'accord, au-dessus de Carrie, ça me va parfaitement. Encore une fois, les quatre romans, pour l'instant, du classement, sont des bons romans. Oui. Il n'y a aucun mauvais roman. Donc voilà. Et donc le téléfilm. Alors le téléfilm, bah ça va au-dessus de Carrie. C'est le meilleur. Non, là, la grande question c'est est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien que La Tour Sombre? Parce que pour moi, Salem déjà va en dessous et Carrie et Cimetière. Ça c'est clair. Et pour moi, ça va au-dessus de La Tour Sombre. Tu le mettrais au-dessus? La Tour Sombre va avoir l'avantage de ses acteurs. Ouais, voilà. Mais après, c'est vrai que il a beaucoup plus de défauts dans la construction de l'intrigue. C'est vrai qu'on est perdu tout le long. J'aurais beaucoup plus de mal à trouver des scènes qui fonctionnent ou des plans qui fonctionnent dans La Tour Sombre que dans Salem. On est... Bah déjà, la scène iconique qu'on a choisie pour La Tour Sombre ne fonctionne pas dans le film. C'est-à-dire la première apparition de... Roland. De Roland. Déjà dans le film. Tandis que dans Salem, c'est tout sauf fou, mais ça passe. Voilà. Oui, non, je suis d'accord. Salem, avant-dernier, au-dessus de La Tour Sombre. Voilà, mais là, on est déjà dans le pas formidable, quand même. Oui, voilà. On est dans le moyen. Et du coup, Salem prend la même position dans le classement roman que dans le classement film, avant-dernier. Oui, ouais, même si les classements sont assez différents, sinon, déjà. Et vont continuer à s'éloigner l'un de l'autre. Alors d'ailleurs, j'en profite à signaler pour l'anecdote, je l'ai déjà dit dans un autre épisode, le jingle de cette rubrique-là sera évolutif et rajoutera des notes tirées des différentes BO des films traités selon leur classement tel que nous l'avons défini. Voilà, c'est juste pour la blague, mais je trouve ça rigolo. C'est rigolo. Bravo pour cette idée. Qui n'est pas de moi à la base, qui est de Nicolas Petit, que je remercie, qui nous a aussi fait le générique de début. Bravo à Nicolas Petit, et non pas à toi. Est-ce que, mon très cher ami, ce ne serait pas l'heure du tirage au sort ? Si, nous allons tirer au sort les deux prochaines œuvres que nous traiterons. Je te laisse le chapeau. Le chapeau qui est un faux livre. Oui. Un livre creux. Attention ! Vais-je avoir la main chanceuse, tiens, j'en prends un cap bien en dessous. Je donne celui que j'ai piégé à mon cul. Oui, vas-y. Et merde. Le fléau. Oh putain, ça dure une plombe. De Mick Garris. Du coup, que je vais devoir lire. Alors, tu vas devoir lire un livre de 1500 pages et regarder une série de 6 heures. Non, mais la série, je l'ai déjà vue. Ah. Mais je vais quand même devoir la regarder. Moi, non, je l'ai pas vue pour moi. Oh merde, le fléau. Je t'avais dit de prendre l'avance. Bon, selon. À la limite, on change l'ordre selon toi, celui que tu tiens. Oui, au pire, on pourra aller. Oui. Je te laisse piocher le tien. Eh ben. Niveau art, on s'en sort pas mal, puisque j'ai pioché Les Démons du Maïs, le premier. Du coup, qui est une nouvelle. Donc le film est réalisé par Donald P. Borchers. La nouvelle s'appelle Les Enfants du Maïs, c'est dans Danse Macabre. Donc on se retrouve une prochaine fois, peut-être pour Les Démons du Maïs, histoire de laisser un peu de temps à Chris pour lire, Le Fléau. Je pense qu'on fait Les Démons du Maïs en premier. Donc dans deux semaines... En l'occurrence, j'ai lu ni l'un ni l'autre. Ouais, mais Démons du Maïs, tu le lis rapidement. Ça fait une centaine de pages, peut-être. Même pas, c'est une nouvelle de 30 pages. Ah oui, bon, on fait Les Démons du Maïs en premier. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter. @cinémaarchiviste pour Monsieur Issam ici présent. Et @augrédesbulles pour moi-même. Sur Discord, nous mettrons l'adresse dans la description. Sur Facebook et YouTube pour ma part, je fais des vidéos sur le cinéma asiatique si ça vous intéresse. Et ben, n'hésitez pas à nous laisser votre avis, vous pouvez aussi trouver notre adresse mail dans la description et nous envoyer vos opinions. Nous serions ravis d'interagir avec vous. Et vous pouvez aussi nous retrouver dans Casse sur Table et la Guerre des Fables, d'autres podcasts que cette fois-ci moi j'anime mais dont Issam fait partie des chroniqueurs. Donc on se retrouve dans deux semaines pour Les Démons du Maïs et dans un mois pour Le Fléau. Le Fléau. À la prochaine fois et n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7.